parlé jusqu'à maintenant du camp d'entraînement des Saguenay-Chicoutimi, le camp d'entraînement qui a débuté depuis environ une semaine. On en parle avec notre collaborateur encore cette année, Serge Gémont. Salut Serge! Salut, ça va? Bien Serge, les camps d'entraînement des Saguenay ont commencé. Comment tu vois jusqu'à maintenant le camp et est-ce que l'équipe va être quand même assez représentative? Non, il faut s'attendre à une équipe très jeune. Ouais. Comment est-ce qu'elle va être représentative? Il va falloir voir comment, à quel rythme les jeunes vont se développer. Mais on se dirige vers une équipe très jeune, particulièrement défensive, où j'ai l'impression qu'il va y avoir trois, sinon quatre joueurs de 16 ans qui vont débuter la saison. Il va falloir être patient. Mais ça, les partisans de l'équipe le sont depuis des années. Et ils vont être tannés d'entendre ça, mais malheureusement pour eux, c'est le cas. Mais c'est difficile dans cette direction-là que l'équipe se dirige. Regarde, aujourd'hui, on est lundi, on nous a annoncé le départ de trois vétérans. Okay. C'était pas des vétérans de premier plan, mais tiens, un gars comme Scott Carrier a été échangé. Okay. C'est un gars qui a quand même fait 2 ans et demi avec l'équipe. Mais à 19 ans, c'est clair qu'il n'y avait pas de place pour lui à la ligne bleue. Là. Tu ne demanderas pas un 19 ans d'être sixième défenseur. Okay. Okay. Fait que tu vas donner de la glace à des 16 ans. Des gars comme Gosselin et Demby ont été retranchés pour faire place à des plus jeunes. Je pense qu'on est en train de prendre un virage jeunesse du côté des Saguenayens, puis on va prendre le temps nécessaire pour que ces gens-là se développent. Ça explique aussi que c'est toi qui écrivais ça dans le quotidien ce matin, 5 joueurs de 16 ans. On veut y aller, oui, avec 5 joueurs de 16 ans. Ça veut dire qu'on commence à zéro et on espère que ces jeunes-là prennent de l'expérience, c'est ça? Ben ça veut dire que on veut garder ces jeunes de 16 ans, qu'on voit un potentiel intéressant, puis qu'on préfère les avoir au niveau junior majeur que de les retourner dans le calibre Midget 3. C'est aussi simple que ça. Habituellement, des équipes vont avoir 3 ou 4 16 ans, mais les Saguenay vont demander une dérogation pour en avoir un 5e. Je ne dis pas que les 5... Pardon? Oui, c'est une formalité, ça. J'arrive assez fréquemment qu'une équipe va demander ça. Je te dis pas que les 5 vont être habillés tous les matchs, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un système de rotation, puis que de temps en autre, ben, on va faire des changements. Mais c'est sûr que si... En ce moment, il y a 6 joueurs de 16 ans au camp d'entraînement. Puis on est avancé pas mal. Là. Il reste plus beaucoup de joueurs à couper. Fait que... Si Yannick demande une dérogation pour en avoir 5, c'est qu'il a l'intention de commencer avec 5. Xavier Potvin, parle-moi de ces gardiens de but-là. C'est sûr, est-ce que déjà le fait qu'il porte le nom Potvin, est-ce que ça l'a, et tu sais que Félix Potvin est probablement le meilleur gardien de but de l'histoire des Saguenayens, ça y aide un petit peu. C'est le meilleur joueur de l'histoire des Saguenayens. Ça y aide un petit peu, hein, je pense, à quelque part. Mettons qu'il porte... Ça lui aide? Ben, ça dépend. Tu peux dire ça l'aide, tu peux lui dire que ça met de la pression, ouais, parce que ça crée des attentes, parce que là, c'est le garçon à Félix, puis il y a des gens qui vont peut-être penser qu'il est aussi bon que Félix, mais c'est pas Félix. Je pense pas qu'il y ait trop de pression, parce que son rôle va être limité. Là. C'est le deuxième gardien d'équipe, il va garder peut-être une vingtaine de matchs au maximum. Fait que, tu sais, c'est un gardien qui n'a pas encore réussi à faire sa place dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est un gars qui a passé plusieurs saisons dans le Midget 3 à Magog, qui appartenait au Rempart de Québec. À Québec, ben, il y a Calumboot en avant de lui, donc il n'y a pas de place. Et Seigneur cherchait un réserviste, un substitut capable de faire de travail pour une vingtaine de matchs. Il pense que Potvin peut le faire. Ce qui est intéressant, c'est que le nouvel entraîneur des Saguenayens, pour les gardiens de but, c'est un gars qui a travaillé avec Potvin à Magog. Donc, il connaît bien, il connaît son potentiel, c'est ce qu'il peut donner. C'est pour ça que les Saguenayens sont allés chercher. Parle-moi de Nicolas Roy. Nicolas Roy, j'ai l'impression que c'est une année très importante pour lui. Est-ce que je me trompe? Parce que là, c'est une année importante. Je me disais quelque part, bon, Nicolas Roy, il était un choix de deuxième ronde. Je me rappelle, troisième ronde. Je ne sais pas si je m'abuse. Et puis, quelque part comme ça, on le voyait très gros. C'était un choix de première ronde. C'était le tout premier choix il y a 3 ans. Marc l'a payé très cher. Nicolas Roy, là, il doit livrer marchandise cette année. C'est là que ça va passer ou ça va casser entre une saison très potable et une saison très longue. Ben, c'est à lui de prendre le club. C'est son club, c'est à lui de le prendre. C'est son tour. Normalement, il devrait être le leader de cette équipe-là. C'est un gars qui a maintenant 18 ans. Il y a 2 ans d'expérience derrière la cravate. Les vétérans sont pas nombreux dans cette équipe-là. Il va normalement piloter le premier trio avec Paquin Boudreau puis probablement le Russe. pour débuter la saison. Ça peut toujours changer, là. Mais c'est clair que c'est une année importante pour lui. C'est une année, comme je te dis, où il doit prendre charge de l'équipe. C'est lui qui doit prendre l'équipe sur son épaule et la traîner. C'est clair, c'est clair, là. Allez, parle, oui. Tu me l'as dit, une année difficile cette année. Les Saguenay de Chicoutimi, ça fait des lunes qui n'ont pas gagné, qui n'ont pas avancé loin, là. Je pense que c'est l'année de Jean-Gabriel Pageau que Marc avait été chercher. Il y avait également le gardien de but. Je me rappelle bien, c'était Christopher Gibson. Depuis ce temps-là, les Sags, ça va pas. Ça a été difficile. Est-ce que là, les assistants, ça va avoir un impact? Ben là, je vais te dire que quand j'ai vu 1500 personnes au match hors concours vendredi, je peux te dire que j'étais pas là, ouais. Là, mais je me fais au chiffre qu'on a donné, j'ai été étonné. Ouais. Mais c'est sûr que ça va se refléter sur les assistants. Tu sais, je te dirais que t'as 1200 personnes qui sont des irréductibles, qui vont y aller, qui vont être patients. Mais les autres personnes que tu dois aller chercher par les performances de l'équipe, ben, sont plus difficiles à avoir. Mais c'est sûr qu'éventuellement, c'est, ça va avoir, ça a un impact. Là. Si t'as une équipe qui fonctionne tout croche, qui travaille pas, ben, à un moment donné, les gens iront plus. Mais je pense que la majorité des amateurs des Saguenayens, ce qu'ils veulent, c'est une équipe qui travaille, des gars qui essayent, des gars qui se donnent, puis des résultats vont suivre, c'est ce qu'ils se disent. Mais il y a des gens aussi, je pense que ça a bien passé l'an dernier, lorsqu'on a emmené Yannick Jean à Chicoutimi. Je pense que du côté de l'organisation des Saguenayens, on a encore gagné 2-3 ans dans le temps, là. Effectivement, on se donne du temps avec Yannick Jean, puis je pense que les gens sont prêts à patienter parce que Yannick a un plan, c'est clair. Ouais. Regarde, si tu regardes les 6 premiers joueurs qui ont été repêchés au mois de juin, sont encore au camp. Tu vois qu'il y a un plan, il va partir avec des jeunes, il va y bâtir, il va essayer de monter son équipe. Est-ce que ça va donner les résultats qui sont comptés? On ne sait pas, mais au moins, tu as un plan précis, tu essaies de travailler avec. Effectivement. Hey, en terminant, je veux te parler de... Je vais te le dire, là, c'est mon commentaire, mais une décision bizarre un peu de l'organisation des Saguenayens, des droits de radiodiffusion. Je vais te dire une affaire. C'est pas parce que je collabore au show de Michel Tifo, ça n'a rien à voir avec ça. Si ça aurait été la radio terrestre au Saguenay, si les Saguenayens auraient eu l'assurance que les matchs auraient été présentés sur la radio terrestre à Énergie, j'aurais applaudi, j'aurais dit ça rentre au lac, il fallait qu'ils rentrent. Mais là, actuellement, là, ce qui arrive, c'est que les Saguenayens ne seront même pas diffusés sur la radio terrestre cette année. C'est seulement sur Internet, sur le site d'Énergie et sur l'application d'Énergie. Alors que CKJ leur offrait la radio terrestre au Saguenay. C'est sûr, ça ne rentre pas ici au Lac-Saint-Jean, mais c'est tout bien la radio terrestre au Saguenay et également l'Internet, la même chose qu'ils ont avec Énergie. C'est une décision quand même très, très bizarre. Moi, je trouve, en tout cas, là, j'ai de la misère à la comprendre. Je l'ai su par après, Serge, tu vas me l'expliquer, là. Mais il faut savoir, tu sais, j'étais pas à la table de discussion, il faut savoir qu'est-ce qui s'est dit dans les discussions. Tu sais, est-ce qu'une station voulait que les Saguenayens payent pour que leur match soit diffusé? Est-ce qu'une autre voulait payer les Saguenayens pour la diffusion des matchs? Tu sais, c'est toute une différence. Je te dis, si la station X demande aux Saguenayens, je te donne un chiffre vraiment au hasard. Donnez-nous 25 000 pour qu'on diffuse vos matchs sur nos zones. Puis de l'autre côté, tu as la station Y qui va dire on va vous donner 25 000 pour diffuser les matchs sur notre réseau Internet. Tu dis quoi? Tu ramasses le 25 000? Ben, tu sais, il y a une différence de 50 000. Je ne dis pas que c'était ça, je te lance des chiffres au hasard. Faut savoir si c'est ça qui est arrivé. Moi, c'est ce qu'on me dit. Comme je te dis, j'étais pas à la table, je sais pas si c'est le cas. On me dit que c'était ça. C'est-tu le vrai? Je sais pas. Mais on me dit que d'un côté, tu avais une station qui voulait être payée pour diffuser, tandis qu'une autre était prête à offrir un certain montant. Okay. Ah, ça change. Mais je suis d'accord avec toi que ça diminue ton champ de ton exposure, là, tu limites tes auditeurs potentiels, là, c'est sûr, tu sais, comme je dis tout le temps, le gars qui travaille à l'usine le soir, il est pas connecté sur Internet. Le gars dans son auto, dans son auto, il est pas connecté sur Internet. Mm-hmm. Tu sais, c'est un gambling. C'est tout un gambling. Ouais, effectivement. Ça va donner quoi, je sais pas. Ouais. Mais j'imagine qu'eux autres, ils ont pesé les pour et les contre, j'espère pour eux autres. Ils ont pesé les pour et les contre, puis que avant de prendre une décision. parce qu'ils vont vivre avec la saison. C'est 3 ans à part de ça. C'est sûr. Mais ouais. Effectivement, mais rappelle-toi, au début des années 2000, lorsque les Saguenay avaient commencé à diffuser à CKRS à l'époque, avec Serge Gémond et Gaston, pas Serge Gémond, mais Serge Coutier et Gaston Sénéchal, les gens, ça mm-hmm. avait aidé beaucoup la popularité des Saguenay, la radiodiffusion des matchs. Hein. Ouais, mais ça, c'est difficile à quantifier, là, tu sais, c'est tout ça qui attire, qui fait en sorte que tu vas attirer plus de monde dans ton estrade, dans tes estrades, ou si c'est la performance de l'équipe, tu sais, oui, tu peux penser que la diffusion des matchs, ça aide à la popularité d'une équipe. Sans doute, ça peut pas nuire, là. Mais à la base, c'est le résultat qui compte, là. Si t'as pas, quand même que tu diffuserais 70 matchs d'une équipe qui en gagne pas une, pas sûr, il y aura du monde dans l'estrade. À un moment donné, ça prend du résultat mais pareil. À un moment donné, je me dis, c'était quand même une belle visibilité. C'est un beau stand. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. J'ai l'impression qu'ils vont, c'est vont sûr. Perdre, parce que moi, je le suis sur Internet, et dans 10, ils vont perdre au moins 75% de leur auditoire, je pense, en tout cas. Ouais. Et comme je te dis, moi, je suis pas au courant de les discussions qui se sont faites. Je me fie à des choses que j'ai entendues, il y a des bribes que j'ai entendues. Faut se croire qu'on réfléchit à leurs affaires avant de prendre une décision comme ça, là. Serge, m'a souhaité des bonnes vacances, puis on se... Ah, merci beaucoup! Beau temps, ça, t'es chanceux, il annonce du beau temps pour la fin du mois d'août, puis tu vois, ça va au mérite, là, il va faire beau. Puis on s'en reparle quand t'es retour de vacances. OK, à toi. Serge Gémond, des Saguenay.